On va démarrer simple. C'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est une phase historique et c'est la note depuis un bon moment. Hein. La description qu'il en fait Lénine, elle date du 1916, mais elle décrit déjà une période historique qui débute en 1875 et ça se termine plus ou moins en 1914. Donc déjà à cette époque, Lénine est capable d'en décrire et Marx et Engels, déjà, ils envisagent les mutations successives. C'est une phase du capitalisme, du coup, historique, qui se situe dans le développement du capitalisme. J'en reviens un peu rapidement sur les phases, une accumulation originaire, ou primitive, dans laquelle fondamentalement les gens ils sont expulsés, de la terre, tout ça pour, créer de la main-d'œuvre. Une phase de production capitaliste de masse, c'est-à-dire des capitalistes qui font travailler des travailleurs, qui peuvent aussi être en concurrence entre l'autre ou tous à leur domicile ou dans d'autres endroits. Une phase de la coopération, qui elle est bien décrite dans le deuxième livre du Capital par Marx et que voit la naissance plus ou moins au 15e siècle. Jusqu'au 16e. Là, les travailleurs, par contre, sont réunis dans la même entreprise et c'est le capitalisme qui dicte les temps de travail et les caractéristiques du travail. Une phase de la manufacture, celle-là aussi décrite par Marx dans le deuxième livre, qui débute à moitié du 16e siècle. Jusqu'au 18e. Et là, c'est la phase effective de la division du travail. Les ouvriers, chacun réalise une mention qui lui est attribuée par le capitaliste qui, à la fin, réalisera son produit. Et on va dire une évolution de cette phase de la manufacture, que c'est la phase de la grande industrie qu'on connaît, on va dire, dans la division du travail, dans la production de marchandises, elle reste toujours valable encore à aujourd'hui. L'arrivée de la grande industrie permet du coup une production massive de marchandises et jamais vue avant par les sociétés humaines. Hein, la possibilité vraiment de donner à tout le monde tous les biens possibles et imaginables. Et c'est là, sous la poussée de la division du travail et d'une machinisation. À large échelle. Comme on connaît la loi fondamentale du capital, c'est-à-dire qu'on va toujours vers une chute tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire une diminution du capital qu'on va accumuler d'année en année, qui est donnée, entre autres, et de façon majoritaire, à travers une machinisation. Du coup, il y a dans la relation capital variable, capital constant et l'augmentation du capital constant, on se retrouve en pratique avec quoi? Avec une masse de valeur qu'on a produit, mais qu'on n'arrive plus à réinvestir. Hein? Une grosse masse ça se traduit aussi dans de l'argent, hein? De l'argent vraiment sonnant, et qu'il faut revaloriser différemment. Ce sont les proportions qui changent en fait dans cette phase. On maintient du coup, on a dit la loi fondamentale de la société capitaliste, elle reste la même, mais les proportions, ils changent. Ils commencent à intéresser de plus en plus la terre entière jusqu'à aujourd'hui où même on commence à réfléchir sur l'espace. Ce besoin de se valoriser. Du coup, le reste, ça va un peu de soi. C'est quoi la phase de l'impérialisme? La phase de l'impérialisme, c'est la phase du monopole. Dit d'une autre façon, on pourrait dire que l'impérialisme, c'est la phase de la socialisation plus large, hein, plus étendue. Ça, au niveau de la superstructure, de ce que ça signifie dans son cœur plus profond. C'est la phase dans laquelle la concurrence sur laquelle le capitalisme s'est construit et qui allait en antithèse avec le monopole féodal est encore une fois battue dans cette lutte entre thèse et antithèse, par une concurrence, par un monopole, désolé, qui n'est plus le monopole féodal, c'est un monopole moderne qui peut encore accepter des mécanismes de concurrence à l'intérieur de son fonctionnement. Et c'est la phase de la socialisation parce qu'il pousse à l'extrême conséquence la division du travail et les connexions entre tout individu présent dans ce monde. Non, c'est l'exemple qu'on fait tout le temps. On a des culottes qui viennent de Taïwan, on fume un tabac qui vient du Texas, je sais pas, vous prenez n'importe quel objet, il peut venir de quatre coins du monde. Jusqu'à arriver à les possibilités technologiques d'aujourd'hui qui ne concernent plus que les biens matériaux, mais la communication, l'échange de savoir, de n'importe quoi. Pour cette caractéristique, Lénine l'a définie aussi la phase ultime du capitalisme, ou phase de transition. Hein. Phase ultime, pas parce que ça existait, il faut prendre ça large, mais on va dire le but du capitalisme, hein, pas parce que le capitalisme aille une tendance téléologique, hein, c'est pas parce qu'il faut qu'il se réalise dans quelque chose, mais on va dire la poussée de renovation qui a été donnée avec l'instauration du capital, non, la possibilité de la socialisation, la possibilité de la production de marchandises et la force productive qu'elle a eue la bourgeoisie à son moment historique, ils arrivent à leur fin, hein, ils arrivent à leur but, on y est, la production est là pour tout le monde, tout le bien, mais voilà, on est dans la phase de l'accumulation, le capitalisme c'est de ça qu'il se préoccupe et cette phase de l'accumulation, il faut qu'il soit implémenté, il faut qu'il soit augmenté à travers d'autres mécanismes. Les mécanismes qui passent à travers une valorisation du capital, qui n'est plus à travers la production, mais qui est à travers les mécanismes de la finance. Et phase de transition, pourquoi ? Comme on le sait de Marx, et comme on le sait de Marx Engels, de Lénine après, c'est dans la société qui meurt qui se créent les fondations pour la société future. Et la fondation du communisme, c'est bien cette possibilité de donner des biens à tout le monde. Hein. C'est de, donc, il n'y a plus autre phase capitaliste qui peut s'engrainer sur ce mécanisme. Hein. On est donc dans un impérialisme qui a aujourd'hui, bon, il a au moins 150 ans, donc il commence à être aussi un peu fatigué lui aussi. Hein. Et qu'il a été décrit par Lénine par cinq points. Hein. Le premier point, c'est que dans la production de marchandises, les monopoles mettent la concurrence au coin, chose qu'aujourd'hui, c'est même plus la peine quasi d'expliquer, c'est tellement une évidence. Lénine, c'est intéressant le procès historique et peut-être l'intelligence de Lénine aussi qu'il arrive déjà à voir dans les conglomérats de l'époque ce qu'aujourd'hui sont devenus les multinationales et ces trucs, mais bon, sur laquelle, pour quelqu'un du 2023, c'est quasi une évidence, même s'il n'est pas communiste ou quoi que ce soit. Et le capital financier prend la direction du capital employé dans la production de marchandises et n'est fait un instrument mineur. Hein. Ce processus est fondamentalement guidé par les banques. Les banques qui naissent au début comme simples intermédiaires pour prêter et pour garder du liquide et que à un moment donné avec cette production qui explose et toute cette valeur qui régurgite de tous les coins qu'on ne sait pas où mettre, on ne sait pas à quoi en faire, il devient en fait les vrais dépositaires de toute cette valeur et en recueillant toute cette valeur de toutes les branches en fait il casse aussi des logiques de branches de production. Hein, la même banque elle peut posséder de la production de l'acier jusqu'à la production intellectuelle de n'importe quel type. Et du coup, la formation de les banques qu'on connaît aujourd'hui, hein, ça aussi c'est une évidence, on va dire, c'est un procès historique, mais pour l'homme d'aujourd'hui, l'homme au sapiens du 2023, on sait bien là ce qui peuvent représenter les banques. Et les banques, ils sont un bon exemple de ce que c'est la synthèse qui fait l'impérialisme, ce que c'est la symbiose qui fait l'impérialisme entre le capital bancaire et le capital industriel. En fait, l'impérialisme, c'est ça, c'est une symbiose constante, hein, entre plusieurs sujets, et entre capital industriel et capital financier, ça reste un des piliers, où en fait, on n'arrive pas à un accord, hein, ça gagne par force, c'est toujours une lutte entre les deux, mais où il y a un gagnant, hein, et qu'en fait, il absorbe l'autre et il devient encore plus grand en l'absorbant. C'est vraiment une absorption. Quand cette absorption, à un moment donné, ce n'est plus possible, comme entre grosses centrales impérialistes, par exemple, on passe à une étape supérieure. C'est là que l'étape de la guerre, par exemple, j'anticipe par rapport à la relation, peut rentrer effectivement en jeu. Mais sinon, ça va par assimilation. Assimilation, que ça se joue dans une lutte, mais dans une lutte, voilà, selon le niveau. La même chose, ça a été fait pour les capitaux industriels. Après, il y a un fonctionnement en lui-même, hein, du coup, la concentration du capital financier, qui ça va dans peu de mains, vu l'énorme valorisation que ça peut avoir, et du coup, peu d'oligarques financiers, on va dire, qui détiennent un gros pouvoir. Le troisième point, c'est l'exportation de capital prend le dessus sur l'exportation de marchandises. Lénine y dit, bon, j'ai traduit un peu mal, moi je l'ai en italien, la nécessité de l'exportation du capital est créée par le fait que dans certains pays, le capitalisme est devenu plus que mûr. Et au capital, ne reste plus de champ pour un investissement rentable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça c'est vraiment expliquer le mécanisme de base. Il n'y a plus aucune branche qui permet de valoriser, et du coup, il faut trouver une autre façon de valoriser cet argent. La première, une de voies d'issue à aujourd'hui toujours valable, c'est l'exportation de capital. Normalement, on exporte dans des pays qui sont plus pauvres, hein, si on veut simplifier, où on achète carrément matières premières, lieu de production, métro, île, bras, homme, n'importe quoi. Tout est en vente, donc ça, on connaît bien les relations. La Grèce, par exemple, hein, en Europe, elle est soumise à des mécanismes de ce style. Si on prend après la ceinture au pays du centre impérialiste, c'est évident aussi. Et bon, après, si on va en Afrique ou quoi que ce soit, ce type de mécanisme, ça devient évident. Mais ça repose sur quoi ce mécanisme-là? Ça repose sur le fait que le développement de l'impérialisme repose sur l'inégalité de point de vue des pays, hein. Le développement du capital n'a pas été égal dans tous les pays, et du coup, il repose sur ça, son développement aussi. L'impérialisme, de même, il fait la même chose. Ça ne serait pas possible d'exporter des capitaux dans des autres pays si tous les pays ils étaient au même niveau. Hein. Il y aurait des échanges de dettes, de machin et tout, mais voilà, ça serait impossible de maintenir un régime impérialiste. Et là, du coup, on revient au quatrième point, que c'est les puissances capitalistes, les plus fortes puissances capitalistes, ils se partagent le monde et ils instaurent un système colonial, aujourd'hui on dit impérialiste. Hein. Cette inégalité et le fait aussi que l'impérialisme il se développe nécessairement avec une interaction de l'économie publique et privée, ça pourquoi? Parce que si on dit qu'il se développe grâce aux inégalités, les inégalités, il faut bien qu'ils soient portées par quelqu'un. Hein? Et ce sont les États qui portent cette inégalité. Quand on parle la Grèce par rapport à l'Allemagne, plutôt que du coup, c'est l'entité étatique qui porte cette inégalité, et c'est l'entité étatique, surtout des plus forts, qui veut garder cette inégalité. Pour pouvoir garder cette inégalité, il faut être puissant sur beaucoup de points, qui soient économiques, mais aussi en termes de gestion, en termes d'enracinement à l'intérieur de la société. Quelle est l'autre structure sociale qu'on s'est donnée, qu'elle est si capable d'être présente dans tous les domaines de la vie, hein? Il y a peut-être des gens qui viennent comme moi des pays avec un État plus léger. Si on vient en France, je vous assure que pour quelqu'un comme moi, la présence de l'État, alors là, c'est tout le temps et toujours. Hein, ça passe sur tous les plans. L'éducation, le travail, mais même l'amusement, même le soin. Du coup, l'État, ça perd pas d'efficacité dans la phase impérialiste, au contraire, il en gagne. Il en gagne et il faut, pareil, qu'il se manifeste et qu'il travaille dans le sens de cette symbiose qu'on disait tout à l'heure. Hein. Les monopoles, tant qu'internationaux, ils ont quand même des références d'État, ils doivent bien être symbiotiques avec leur État. À l'État, on lui demande d'intervenir à tout niveau. Il intervient au niveau économique comme il doit intervenir sur, par exemple, le niveau de régulation de l'économie. Hein. Donc on peut décider d'être un État protectionniste plutôt que plus libéral par moment. Ça, ce ne sont pas les multinationales, ils ne peuvent pas réglementer sur ce genre de choses. Hein. On ne s'est pas constitué comme ça. Ce sont les États qui sont en obligation de faire ça. Ils peuvent aussi directement financer des secteurs ou appuyer sur d'autres secteurs. Et ils peuvent, comme aujourd'hui, on l'a bien compris, transformer leur politique de welfare state en une politique de welfare state et du coup appliquer le même mécanisme qu'on va dire, en point de vue économique, on pourrait définir ça un keynésisme, c'est-à-dire une forte intervention de l'État au niveau monétaire dans l'économie, même à prix d'une dette énorme, mais qu'elle sera quand même, non, selon les théories de Keynes, repayée par la valeur qui va être produite grâce à cette grosse émission dans un keynésisme de guerre, hein, où les entreprises qui produisent et tous les entreprises derrière, quoi, et tout ce qu'il y a derrière des instruments de guerre et qui vont dans cette direction, ils sont soutenus par l'État. Le cinquième point, je vous le dis, il y a peu monopoles qui se partagent la production mondiale de marchandises, et en fait, on l'a un peu dit dans les autres points, mais Lénine il le met comme un point en lui-même. Bon, ça va de soi, parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible que le capital financier contrôle complètement le capital productif. Donc, ce sont les cinq points. Bon, et on a un peu revu, hein, où on en est aujourd'hui et d'où ils sont partis. Là, on est par contre dans quelle phase de l'impérialisme? On le disait tout à l'heure, c'est une théorie que quand même, c'est une phase qui commence à avoir 150 ans. Ne nie pas le mécanisme de base du capital et du coup cette chute tendancielle du taux de profit qui nous amène à des crises récurrentes. Ces crises récurrentes, d'ailleurs, dans ce système, ne font que pousser encore plus loin les mécanismes même du système qui ne font qu'empirer la structure de base. En fait, c'est un chien qui se mord la queue et de plus en plus rapidement. Les crises, on les voit venir et à chaque fois, l'impérialisme trouvera que ses moyens à lui pour y remédier. Du coup, il poussera d'un côté pour une innovation technologique, pour une financiarisation et pour une accumulation par spoliation. On comprend bien que si on pousse pour une innovation technologique, on revient à la formule de base du capital de tout à l'heure, ça veut dire que le capital constant, il va être encore plus gros. Ça veut dire que la chute tendancielle du taux de profit, elle sera encore plus verticale et encore plus rapide. Et ça voudra dire que la prochaine crise, elle sera encore plus massive et encore plus importante de la précédente. La financiarisation, ça va dans la même direction, donc encore exportation de capital, encore rachat de pays, appauvrissement de la moitié de la terre et même sur ton territoire même, non, parce qu'il est géopardisé avec une partie de la population qui ne peut plus être réintégrée parce que cette innovation technologique, elle pousse en dehors de plus en plus de travailleurs, que même s'ils sont remplacés par d'autres travails, plutôt de style, aide-moi le terme, parasitaire, oui, il faut souligner que le terme parasitaire s'utilise par rapport à la forme plus-value et pas par rapport à leur fonction sociale ou quoi que ce soit, à savoir que les médecins, les infirmiers, les profs, ils sont tous dans cette catégorie. Et ainsi de suite, on comprend de suite comme non, ce cercle vicieux, il devient de plus en plus en spirale et de plus en plus poussé. Point de vue de la financiarisation, pareil, l'impossibilité de revaloriser tout ce delta du capital qui a été produit et du coup encore l'investissement dans des fonds de réserve, dans des fonds spéculatifs et dans les mêmes mécanismes. Et l'accumulation per spoliation. L'accumulation per spoliation, c'est que l'accumulation per spoliation qu'on définit impérialisme aujourd'hui. Hein, ce sont par exemple les aventures dans les pays troisième monde plutôt que les politiques, la géopolitique agressive qui peuvent avoir les différents États et qu'elle est décrite simplement comme impérialisme, sans voir par contre que l'impérialisme c'est un mécanisme entier et c'est aussi les points de vue qui du coup ils peuvent amener voir les guerres simplement comme un affrontement entre différents pays quoi, certains à l'agression et d'autres plutôt à la conservation, non plus poussés à la paix, à des procès on va dire plus lent et plus doux au lieu que d'aller impacter, sans évaluer aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, du moment que c'est devenu un système voilà, global et totalisant pour les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, il n'y a pas pays, il n'y a pas nation, il n'y a pas État qui ne soit pas un État capitaliste, avec, c'est sûr, et impérialiste, avec probablement des niveaux de développement différents, comme on a dit, parce que le développement est inégal, mais du coup, on ne peut pas affronter ça, c'est pour revenir dans le débat contre la guerre, par exemple, sur la guerre là, en Ukraine, entre un pôle qui serait impérialiste agressif et un pôle qui serait, voilà, juste en termes de défense, hein, ou en termes de... Il y a les camarades italiens qui, à propos de ça, bon, la dernière partie, c'était surtout sur la guerre, qui donnent une lecture, voilà, et comme pour une blague, ils résument comme ça la différence, par exemple, entre ce que c'est les États-Unis et qu'est-ce que c'est la Chine et la Russie. Et ils disent aux États-Unis, il y a comme c'est les... C'est les monopolistes financiers qui décident c'est qui les politiciens. En Chine et en Russie, c'est plus les politiciens qui décident c'est qui les monopolistes financiers. Mais à part cet inversement de rôle, il n'y a pas un fond de différence.